Qu'on est caché, monsieur. L'on bébé tombé d'amour, bonne comprendre. Ça, c'est un bagage sérieux. C'est un bagage pour apprécier. Qu'on ne pas laisser décourager. Pas quitter lui dans la peine sans semer. C'est lui pour révolter. Ah oui, nous même monsieur, papa, nous on s'étendait. Pas jamais pousser, ça la chance pour t'étendre. Monsieur. papa nous qu'on s'étendait. Pas j'aime repousser ça la chance qu'on t'étendait. Non bébé d'amour, faut que nous apprécions le temps. Si une souris balle, nous t'encourage.